Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est le fait qu'il y ait ces espaces d'eau qui donnent un ensemble tout à fait vivant, place because you're a little bit inside, you're a little bit outside. On est là à l'entrée des pyramides, c'est ça? Ça scintille, un point vert. De chaleur. On regarde de partout, en bas, en haut. You see everything outside. En plus, c'est très lumineux comme espace. On descend en spirale, on tourne autour. Ça me donne le vertige parfois, les escaliers. En remuant, tout le monde. Yeah, that's interesting to hear a lot of languages. Voilà, déjà j'ai parlé de brouhaha, ici c'est ouais. Une espèce de bruit confus, il y a le même bruit que dans les piscines. Not very loud, on entend tout et rien, parce qu'en fait on peut rien comprendre et rien. La lumière est naturelle. Si, il fait une chaleur absolument effrayante, ça fait un effet de serre. L'accueil des groupes. Plus sombre. Avec un plafond là. Le plafond est beau quoi, c'est pas un... Il est. Et c'est un lieu de passage, voilà. C'est un lieu très obscur. Not full light, yeah. Only half light. Une sensation de luxe aussi dans ces magasins. Parce que le sol est vraiment remarquablement lisse, disons, et je n'ai pas de sentiment d'insécurité en marchant. La lumière est douce. On voit au fond la pyramide inversée, pyramide elle est blanche, bleue. J'ai l'impression que moi c'est la lumière qui m'attire. L'espace clair. C'est la lumière, la vraie lumière quoi, parce qu'on est... L'impression d'un trou avec la pyramide inversée, un trou. Cette forme dans le ciel. Comme ça pointue vers comme le bas, on a l'impression que véranda. Ça aspire en fait vers justement là je suis happée par... Par les nuages. J'aime beaucoup cette forme renversée. Le cristal aussi, c'est bien. Tous les reflets, les gens qui se reflètent là. J'ai envie de la toucher. C'est chaud. Il y a des taches de lumière au sol quand même, là, à gauche, avant de passer dans l'allée du carrousel. Et au fond, on a ce mur historique. Des petites lumières qui me font envie d'aller dans cette direction. Puis, il y a un petit courant d'air de fraîcheur qui n'est pas désagréable. Il y a moins de monde. Oui, là, il fait frais. Là, c'est agréable. Nettement plus agréable. Il y a peut-être un léger courant d'air. Là, on arrive dans un autre espace, juste devant l'enceinte. Côté fossé Charles V. Là, la première sensation, c'est quelque chose de grandiose. Puis, parc Kelly, c'est qui brille. Une grande unité de lumière. Toujours l'éclairage indirect. L'impression d'être dans un espace lumineux très homogène. Un petit peu sombre, c'est ça qui m'inquiète un aussi. Peu. Un peu de quelque chose de feutré, filtré. Et là, pour le coup, si c'est une sensation tactile, moi j'ai envie de toucher la pierre. Oui, c'est-à-dire le...